Je vois ton nom écrit en grand partout sur les murs. C'est tout ce que j'endure, je sens tes mains sur mon corps qui brûle. Je brûle et je rêve d'un courant d'air, d'un espace clos avec vue sur la mer, d'un silence radio, d'un océan solaire qui nous porte ensemble et qui nous enferme. Je t'ai perdu. En échange, je veux voler ton visage.